Buenos días, señor. Bonjour. Servicio de la aduana. ¿Eh? ¿Puedo meterte por un lado, por favor? No, bro, español, francés. Destinación, no, bro. Pasaporte. ¿Qué? Oh, ¿qué tienes sus maletines, por favor? J'ai de la sable de Bangkok, la raquilla de Belgrade. De quoi fumer du Maroc. J'ai un flow de New York, une instru de LA. Un calache d'Ukraine, des marabacs que tu guerres. J'ai la fierté algérienne, des cigares de Cuba. Envie de révolution, de prendre un Pushka. Mais est-ce la solution? J'ai des sabres de Chine, des blocs de shit. J'préfère ça à l'usine, faut que j'fasse du shit. L'agent caille dans verse du caviar de Russie. Un passeport fâche, si ça sent le rouge. Des sous-vêtements, des t-shirts rétrécis, des capotes et un paquet de soucis. J'ai traîné ma carcasse à droite et à gauche. J'ai claqué mon lever, j'ai rien mis à gauche. C'est pour les gavroches, grailleurs de roche. Pour les causettes, les gens valent notre époque. C'est le truc de t'être un mec qui ne passe pas la frontière. À la douane, reste bloqué par la barrière. Ils sont des renards et des fennecs, des félins et des fêlés. Des frères en cavale et de ceux qu'on a déférés. C'est le son de cette ramée qui ne passe pas la frontière. À la douane, reste bloqué par la barrière. Ils sont des renards et des fennecs, des félins et des fêlés. Des frères en cavale et de ceux qu'on a déférés. Bonjour monsieur, mettez-vous sur le côté. Bonjour. S'il vous plaît. Ok, ok. Du contrôle de routine. Ouais. Votre destination. La France. Passeport. Tenez. Montrez-moi ce que vous avez dans vos bagages. Ok, regarde. Dans mes bagages, ramène la merde du tiers-monde. Ouais. La rage d'un peuple qui crie comme un serment. Ouais. Sur mon passeport, mon quotidien, ma patrie. Avec mon sac de tati, c'est mon baraque Sarati. Ce sont des têtes cramées qui passent pas les frontières. Non. C'est pour nos expatriés qui veulent briser la barrière. Ouais. J'ai embarqué avec tes sandales et tes Marcel. J'ai quitté mon bled pour Paname ou bien Marseille. L'or est tendu, est-ce que tu réalises, hein? Regardons, fouillons bien, y'a la famine dans mes valises. C'est chaud. On n'a pas le choix, plutôt une obligation. Avec mon salaire, je nourrirai tout mon village. On fait la vie comme elle vient sans lendemain. Si je l'ai fait, c'est un pour mes gamins. Tu mets les menottes, pourtant je suis pas un dollar. Tu sais, si je retourne, c'est un retour à la case départ. C'est le son de cette ramée qui ne passe pas la frontière. À la douane, reste bloqué par la barrière. Ils sont des renards et des fennecs, des félins et des fêlés. Des frères en cavale et de ceux qu'on a déférés. C'est le son de cette ramée qui ne passe pas la frontière. À la douane, reste bloqué par la barrière. Ils sont des renards et des fennecs, des félins et des fêlés. Des frères en cavale et de ceux qu'on a déférés. C'est le son de cette ramée qui ne passe pas la frontière. À la douane, reste bloqué par la barrière. Ils sont des renards et des fennecs, des félins et des fêlés. Des frères en cavale et de ceux qu'on a déférés. C'est le son de cette ramée qui ne passe pas la frontière. À la douane, reste bloqué par la barrière. Ils sont des renards et des fennecs, des félins et des fêlés. Des frères en cavale et de ceux qu'on a déférés.